mais écoute, si Grégoire est pas assez proactif en home working, bah, tant pis pour lui, tu le postpones à jeudi. Tu veux dire Grégory ? Non, mais on le drop aussi. Avec le langage, il peut se produire ce phénomène. Tout à coup, un mot nous saute aux oreilles. Il nous choque, il nous interpelle, nous séduit ou nous agace. Ce n'est pas seulement qu'on apprend l'existence d'un terme comme on apprend une définition, c'est qu'on se projette d'emblée dans son usage sans savoir précisément comment on l'utilisera. La langue managériale ne déroge pas à ce phénomène. À ceci près qu'entendre ces éléments de langage nous projette d'emblée dans un rejet. Je ne serai jamais cette personne qui dit feedback, conf call, N+1 ou encore proactif. Jusqu'au jour où, eh bien, sans crier gare, je suis soudain devenue cette personne qui dit feedback, conf call, N+1 ou encore proactif. Peut-on échapper à cette culture d'entreprise ou sommes-nous voués à devenir des auto-entrepreneurs ? Excuse me, what is this I just received from you? Excuse-moi, tu peux me dire ce que c'est que ça? Je l'ai reçu de ta part. Oh, j'ai reçu par notre bureau à Chicago. C'est règlement corporate? Oh, un règlement que vous comptez nous imposer. Il faut en toutes circonstances être positif et constructif. Il ne faut jamais être en retard. Il faut faire les compliments en public et les critiques en privé. Il est interdit d'avoir une relation amoureuse avec un collègue. L'important, c'est nous sommes une team. Le nous avant le jeu. Oui, sauf que nous sommes en France et si pas en Amérique. Chez nous, le jeu, c'est important. Chez nous aussi, c'est important. Mais on essaye vision d'équipe aussi. Non, ce que vous faites, c'est que vous vous attaquez à l'esprit français. Bien joué, Émilie. Bonjour, Luca Paltrinieri. Bonjour, Géraldine Manassava. Vous êtes maître de conférences en philosophie politique, philosophie des sciences humaines et sociales. Vous êtes spécialiste de Foucault. Vous travaillez sur la philosophie politique de l'entreprise. Et vous avez écrit cet article avec Massimiliano Nicoli, Métamorphose du discours managérial de la culture à l'esprit d'entreprise, qui est paru dans la revue Travailler 2020. Alors, on a eu un petit condensé là de tous les termes un petit peu clichés, tous les éléments de langage du management, feedback, proactif, drop, des chartes pour être heureux. Comment le management, et vous en parlez dans votre article, n'est pas seulement un ensemble de pratiques, mais aussi un ensemble de discours? Alors, effectivement, nous, quand on a commencé à écrire cet article, on s'était beaucoup interrogé sur un discours obsédant. Alors, un discours, j'entends par là un ensemble de formules, de séquences linguistiques qui reviennent constamment et qui portaient, en gros, sous l'esprit d'entreprise. Qu'est-ce que c'est cet esprit d'entreprise qu'il fallait diffuser, notamment par une éducation? C'est devenu une des compétences clés de l'éducation européenne. Et donc, on s'est interrogé sur d'où venait cette expression d'esprit d'entreprise. Et du coup, on a commencé à travailler sur déjà qu'est-ce que c'est un discours. Et là, effectivement, il y avait quelque chose qui allait au-delà de la langue et du langage. Hein, si vous voulez, si on veut donner une définition rapide du discours, je dirais que on a un langage. Le langage, c'est une structure, c'est un système, hein, c'est un système de sens. La langue, c'est ce qui fait exister le langage par un acte individuel de sélection, d'actualisation, disons, du langage. Et puis les discours, en fait, ce sont des séquences des paroles qui existent dans la langue, et ce sont donc des séquences qui ont une finalité, qui ont un but, qui ont une capacité aussi de transformation et de production. Nous, on s'était inspiré notamment de la conception foucauldienne du discours. Hein. Foucault définissait le discours comme la différence entre ce que l'on pourrait dire et ce qui est effectivement dit. C'est-à-dire qu'en fait, le discours définit un champ des possibles, un champ des séquences qu'on peut effectivement formuler à un moment historique précis, donc à la différence, par exemple, du langage qui existe comme un système presque intemporel, hein, les discours, ils existent comme une séquence historique qui a une finalité précise, productive et transformative. Donc, vous faites bien la distinction entre langage managérial et discours managériaux. Pour vous, c'est très distinct. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de langage managérial qui sera intemporel. Il n'y a pas de langage managérial. Il y a un langage qui est un système, hein, qui est un système de sens, qui construit des sens. Et puis, il y a une langue managériale. Alors, par langue managériale, par exemple, on a beaucoup parlé des nouvelles langues managériales, parce que, justement, dans les domaines du management, dans les domaines de la pratique de la direction en entreprise, il y a une invention linguistique, permanente. Qui va de soi avec l'impératif d'innovation qu'il y a aujourd'hui dans les entreprises, dans l'économie en général, comme j'en ai voyé Schumpeter, en fait, l'économie, elle avance par l'innovation. Et l'innovation linguistique fait partie, en fait, de ces langages managériels qui deviennent une nouvelle langue. Pourquoi ? Parce que, justement, ils se renouvellent continuellement. Et puis, évidemment, derrière l'expression nouvelle langue, qui se réfère au roman de Orwell 1984, il y a cette impression d'un langage imposé, un peu totalitaire, un langage qui nous habite. Hein. Qui est appauvrissant, qui dissimule aussi, oui, qui nous trompe. Oui, oui, l'idée fondamentale de la nouvelle langue, c'était que on ne peut pas penser sans mots. Hein, c'est quelque chose qui fait partie, par ailleurs, de la culture philosophique du XXe siècle, c'est de linguistique turn. On ne pense pas d'abord pour ensuite traduire dans un langage. On ne pourrait pas penser qu'est-ce que c'est la liberté si on n'avait pas les mots de liberté. Donc, on pense à travers des mots, on pense à travers des concepts qui sont des mots en situation. Hein, et du coup, en transformant les langages, on peut aussi transformer la pensée. C'était ça la grande présupposition de la nouvelle langue orwellienne. Hein, en imposant une transformation du langage, on transforme la façon que ont les gens de penser, on appauvrit leur pensée, on les fait penser par binarisme, par double pensée, etc. etc. Or, est-ce que le langage managérial fonctionne exactement de la même façon ? J'ai plus de doutes sur cela. Pourquoi ? Parce que dans le langage totalitaire de Orwell, en fait, il y avait un projet. Il y avait un projet qui était celui de réécrire l'histoire, qui était celui de d'empêcher les gens de penser sinon en termes binaires. Il y avait un projet qui était réfléchi, qui était imaginé, qui était imposé par Léo. Aujourd'hui, dans la nouvelle langue managériale, en réalité, vous avez une bouille hein, de consultants, d'influenceurs, de managers qui introduisent de nouveaux mots et dont le but n'est pas clair, en fait, sinon d'avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux, d'avoir de la reconnaissance, d'avoir du prestige, etc. Donc, cette innovation managériale, elle ne vient pas, à mon avis, d'une direction... D'une instance supérieure, intentionnée. Voilà. D'un but précis, sauf dans certains cas où, en fait, il y a des véritables stratégies de changement du langage, par exemple, dans une entreprise particulière. Mais si on parle de nos langues, en fait, c'est parce que ces langages nous habitent. Hein. C'était la présupposition aussi de Orwell. Les mots nous habitent et c'est fondamentalement les langages qui nous pensent. Enfin, c'est la langue, pardon, qui nous pense avant même qu'on en soit conscient, c'est ce qu'on pense, en fait. Les deux grands postulats contre lesquels je me suis battu, je crois qu'on pourrait les nommer ainsi. L'un, le postulat de l'unité. La pensée des hommes à une époque donnée serait cohérente et pourrait être ramenée à une sorte de centre nodal. Bon. Le second postulat contre lequel je me bats, c'est, si vous voulez, le postulat que les paroles, c'est du vent. Que les paroles, ça n'existe pas, ou ça n'a presque pas de consistance, que les paroles, c'est une sorte d'écume sur l'océan de l'histoire, ou encore que les paroles, ce n'est rien de plus que le reflet transitoire, fragile, précaire, immédiatement effacé, de choses qui, elles, sont sérieuses et solides et qui ne sont pas des paroles. Or, ce que je voudrais montrer, c'est que les hommes font quelque chose quand ils parlent. Ils font quelque chose quand ils parlent, exactement de la même façon qu'ils font quelque chose quand ils fabriquent un objet. Le discours, ça se fabrique. Le discours, une fois fabriqué, ça existe. Et une fois que ça existe, ça subsiste. Une fois que ça subsiste, ça fonctionne. Et une fois que ça fonctionne, ça se transforme, ça a des effets, etc. C'est cette consistance interne du discours en quelque sorte comme objet fabriqué, cela que je voudrais arriver à restituer. Absolument, les fonds de roulement transactionnels sont indexés sur les coûts d'achat annuels. Oui, depuis 82. Ah, sur les passifs immobilisés, alors on n'est plus sur les taux d'escompte. Je convertis les ratios. Je suis sûr que tu comprends pas un seul mot de ce que tu dis. Je fais mon travail, c'est tout. Et oui, nous non plus, parfois on ne comprend pas tout ce langage, toute cette langue, pardon, managériale. On a reconnu la voix de Michel Foucault, c'était dans une archive du 2 mai 1969, juste avant cette pastille, message à caractère informatif. Et donc, dans l'archive de Michel Foucault, on a entendu Michel Foucault qui se bat contre deux postulats pour définir le langage, à savoir qu'il y aurait un type de langage en particulier qui serait unique, et d'un autre côté, l'idée que le langage, ce serait que des paroles en du vent, en fait, que des paroles en trop. On a quand même plutôt l'impression, une fois qu'on a écarté l'idée que la langue managériale relève d'une instance supérieure type novlangue, on a quand même l'impression que la langue managériale, et là on l'a entendu quand même dans cette pastille humoristique, c'est quand même du vent. C'est-à-dire que les gens parfois emploient ces termes sans savoir précisément à quoi ils renvoient. Et comme vous l'avez dit, ils sont seulement, ou nous sommes seulement en fait, habités par ce langage, sans forcément comprendre ce qu'il désigne et ce qu'il veut dire en particulier. Oui. Alors, le fait qu'on soit habité par les langages, ça ne veut pas dire non plus que c'est par la langue, ça ne veut pas dire non plus que ce discours n'a pas d'effet. N'a pas d'effet de production. Hein. Et dans ces le fait qu'on n'y comprenne rien. Oui, oui, oui. Ça n'empêche pas qu'il y ait des effets. Absolument pas. Carrément, c'est justement parce qu'on ne les comprend pas. Il y a un effet. Qu'il y a des effets. Je reviens sur cette histoire d'effet de discours, hein, des productions de discours, parce que cet extrait de Foucault de 69, exprime à la perfection un peu une idée qu'il avait à l'époque, c'est-à-dire de faire une histoire de la philosophie comme discours aussi, et entreprendre, en fait, comprendre le discours comme une pratique qui nous part réglée, qui correspond à certaines règles, on ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe quelle époque, mais surtout comme pratique qui est positive au sens de productive, c'est-à-dire qu'elle existe, cette pratique, pour faire exister des comportements, pour détruire des comportements existants, pour les transformer, pour transformer quelque part la vie des gens et faire exister des sujets aussi. Hein. Donc, comment ces discours, cette idée de discours productifs, elle vient évidemment de Austin, que Foucault avait lu et qu'il lisait dans ces années-là, notamment, et donc de l'idée des performatifs. On ne fait pas que décrire le monde avec le discours, on fait exister des choses, c'est une manière d'agir dans le monde, le discours. Hein. Et je pense que Foucault, il pense vraiment que c'est la notion qu'il a des discours, elle permet de traduire, de donner un sens à cette idée des langages performatifs chez Austin. Alors, ce discours fait exister quoi? Il fait exister une certaine manière d'être. Puisque nous agissons, en fait, non seulement en fonction de ce que nous pensons, de ce que nous pensons consciemment, hein, mais nous agissons aussi en fonction de ce langage que nous pensons. Alors, un peu plus tard, une dizaine d'années plus tard, en fait, Foucault s'attache à comprendre une sorte d'énigme, hein, dans l'histoire de la morale. Comment se fait-il que, dans la morale des premiers chrétiens, on transpose tout simplement des codes de conduite qui existaient déjà avant? Par exemple, l'idée d'une fidélité dans les mariages, l'idée d'une virginité avant les mariages, l'idée des rapports sexuels qui sont limités justement à la relation conjugale. Tous ces codes de comportement existaient bien avant, en fait, le christianisme, existaient déjà, en fait, chez les stoïciens. Lorsque la morale chrétienne s'installe, on va justement transposer cet ensemble de codes tout simplement d'un épistémé moral à un autre, hein, d'un réseau à un autre. Comment on a pu faire cette transformation et pourquoi s'est faite cette transformation? Et Foucault, là, il va pointer l'existence de toute une série de manuels de bonne conduite, de confessions, des arts de vivre, comme on les appelle à l'époque, qui permettent de comprendre comment on a pu épouser les mêmes comportements, les mêmes valeurs à l'intérieur d'une nouvelle morale. C'est un discours de trop, parce que Foucault l'appelle un discours en trop, parce que il n'explique pas. Mais ça revient à ces paroles sont du vent, les discours en trop. Oui, voilà, exactement. C'est là que je voulais arriver. En fait, c'est un discours en trop parce qu'il n'explique pas véritablement un changement de comportement. Hein? Le comportement, il reste le même. Pourtant, c'est un discours qui a des effets. Pourquoi? Parce que le sujet ont besoin de ces discours pour épouser ce code de conduite à l'intérieur de cette nouvelle morale qu'ils ont entre-temps adoptée. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'un discours peut servir un sujet pour adopter un certain comportement et les faire coïncider avec ses valeurs. Mais un comportement qu'il a déjà. C'est en ça que c'est redondant, en fait, que c'est en trop. Oui, exactement. C'est un comportement qu'on a déjà parce que c'est un comportement qu'on intériorise déjà par une éducation et puis on intériorise, par exemple, en habitant l'entreprise, en habitant la situation de travail. Mais on a besoin de ces discours en trop qui nous permet quelque part de nous faire coïncider avec un idéal, hein, d'épouser un idéal dans le travail. Alors là, j'ai plein de questions à vous poser, Luca Paltrinieri. C'est que déjà, dans la langue managériale, il faut aussi distinguer plusieurs types de vocabulaire. C'est-à-dire qu'il y a un vocabulaire qui serait technique, hein, qui désigne quand même vraiment le fait de travailler, qui désigne en fait des tâches. Et puis, il y a aussi tout le vocabulaire qui relève de ce qui est appelé maintenant l'humain. Et là, on est vraiment dans le code de conduite, ce qui est un peu différent déjà. On a deux types quand même de langue managériale. Oui. Par exemple, c'est pas pareil de parler de N+1 pour désigner son chef et de dire une propale à la place de proposition, ce qui est juste en fait une sorte de remplacement d'un terme français par un anglicisme. Oui. Moi, je ferais surtout une distinction entre un langage prescriptif, c'est-à-dire un langage qui est destiné à se traduire dans un ensemble d'ordres, hein, qu'on retrouve par exemple très bien dans les taylorismes. Hein, lorsque les ingénieurs de Taylor vont étudier le comportement des ouvriers pour ensuite les réélaborer ces comportements à l'intérieur de bureaux qui sont dans l'usine, dans l'entreprise, pour ensuite réinjecter de nouveaux comportements, c'est un langage, celui managérial, c'est un langage de la prescription. Il faut faire comme ça. C'est des ordres, c'est des commandements. Les langages de l'humanisme managérial dont parlait, par exemple, hier aussi votre invité, Daniel Linard. Oui, Daniel Linard, ce n'est pas un langage de la prescription. C'est un langage qui se veut descriptif de ce que c'est l'humain. Nous, on a pris un exemple dans notre article qui est typiquement un langage qui dit qu'est-ce que c'est l'entreprise. Ce n'est pas un langage qui dit « vous devez faire ceci ou cela ». Ce ne sont pas des ordres, c'est un langage qui définit un existant. Mais par exemple, dans l'entreprise, on aurait quoi ? Des sortes de discussions, de réunions, de chartes éthiques qui diraient « vous employés qui aimez travailler, vous employés qui êtes dynamique », ce serait ce genre de langage-là ? Je vais vous faire un exemple. Là, vous parlez par exemple des chartes éthiques, on l'a vu avec Émilie à Paris, hein, les chartes éthiques. Les chartes éthiques, c'est encore quelque chose de différent, c'est-à-dire c'est une prescription, mais qui ne se présente pas comme telle. Ouais. On l'habite cette prescription, hein, c'est-à-dire qu'on l'a tout le temps sous les yeux et du coup on modifie notre comportement. Mais il y a un langage qui est encore moins prescriptif, par exemple le leadership, les gens qui nous expliquent qu'est-ce que c'est le leadership. Lorsqu'on dit qu'est-ce que c'est un leader, qu'est-ce que c'est un bon leader, on ne dit pas aux gens transformez-vous en leader, on ne dit pas aux gens faites ceci ou faites cela, mais on présente toujours le leadership comme quelque chose d'un peu naturel en fait. On dit le leadership c'est ceci et cela, c'est une caractéristique que certains ont et certains n'ont, par ailleurs on parle beaucoup de leadership naturel. Hein. Mais du moment où on décrit tout simplement qu'est-ce que c'est commandé, implicitement, il y a quelque chose de prescriptif, ou plus que prescriptif, normatif, qui nous explique ce qu'il faut faire pour être un bon leader. C'est ça qui est paradoxal, c'est que derrière des discours qu'on croirait prescriptifs, comme les chartes éthiques, il y a d'autres discours qu'on croit plutôt descriptifs, mais qui en fait sont beaucoup plus prescriptifs. C'est tout le paradoxe, c'est qu'on pense qu'on on est simplement en train de discuter d'une définition de leadership, et finalement, on se retrouve à intérioriser cette définition pour l'appliquer. Donc c'est d'autant plus prescriptif. Tout à fait. Mais ça, c'est typiquement un langage, c'est typiquement une caractéristique du langage des sciences humaines, que ce soit le langage de la sociologie, de la démographie, ou si vous voulez, même du management, si on veut faire du management ou sciences humaines. Alors là, peut-être que je vais un peu trop loin. Hein. Allez-y. Mais les management, peut-être que Ghislain Deslandes vous en parlera vendredi, il a toujours voulu être une science aussi. Donc, il a voulu être une politique et une science. Du coup, donc il a emprunté les codes de langage des sciences humaines et sociales. Oui, il a emprunté beaucoup de codes de ces langages, mais surtout une certaine manière d'être de ces langages, c'est-à-dire un langage qui est toujours au milieu entre la description et la prescription, hein, dans lesquels on décrit quelque chose, c'est aussi énoncer ce qui doit être. Et je pense que il y a là effectivement aussi l'aspect plus proprement politique. Du management, parce que la philosophie politique, avant d'être pure description, a toujours été un langage sur ce qui doit être, ce qui doit pas seulement ce qui est, mais ce qui devrait être. Oui, exactement. Du coup, voilà, le management a besoin de ces langages décrivant l'existant. Et c'est ce qu'on a fait nous, dans nos articles, par exemple, on n'est pas allé voir qu'est-ce que sont le code de comportement, le bon code de comportement en entreprise, on a juste regardé qu'est-ce que ce sont les définitions qu'on donne de l'entreprise. Ce qui n'empêche justement de montrer comment il y a une certaine formation des comportements qui a lieu à travers ce même langage. Le désalariat ne passe pas seulement par la mise en tiret, ses courts-circuits et ses gommettes, mais aussi par l'invention d'un lexique pour le flot. Un vocabulaire pour effacer les salariés, partenaires, collaborateurs, et imposer les exigences liquides, agilité, flexibilité, changement, mouvement, scalability. Tout ça équipé de gadgets managériaux, sous-machines, dont la prolifération a le même effet de déchiquetage salarial. Le Troisième Reich avait refait la langue allemande selon ses nécessités. Une langue technique, conçue selon certains objectifs de productivité et instituant des différences de droit entre les humains, peut transformer un corps social jusqu'à faire que tous les moyens soient permis pour parvenir à l'efficacité telle que cette langue la définit. Une langue technique pour déchiqueter. En l'employant, on ne fera que son devoir. Notre langue oppressive est celle du capitalisme néolibéral. L'anglais managérial, lui aussi, produit un monde en même temps qu'il l'exprime. Un monde pour le flot. L'auto-renforcement est la loi du genre. Plus on parle la langue du capitalisme néolibéral, plus on désalarie. Ainsi, les instances de contrôle des conditions de travail sont supprimées une à une. Le code du travail est progressivement défait, pas que lui. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'existe plus, les ordonnances Macron s'en sont chargées. Il est remplacé par le CSE, Comité social et économique. Tout est dans le titre. France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. On vient d'entendre un extrait de ce roman, enfin du récit romancé du procès des 7 dirigeants de France Télécom Orange qui s'est tenu de mai à juillet 2019. Donc ce texte, Personne ne sort les fusils, de Sandra Lubert. Très beau texte interprété par Bernard Gabay. Alors on a entendu avec ce texte effectivement la double fonction du langage managérial. Ici on l'entend à imposer des exigences liquides, effacer les salariés. Mais on entend avec ce texte plus que la dimension prescriptive ou descriptive de la langue managériale, on entend aussi sa portée idéologique. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que la langue managériale, même si elle ne provient pas d'une instance supérieure, même si elle est plus fouillée, plus diverse, elle provient de différentes sources et origines, néanmoins, elle a quand même une orientation idéologique qui émane, et là c'est très clairement dit, du capitalisme néolibéral. Mmh. Oui. Alors moi je suis assez d'accord sur la dimension idéologique de ce langage managérial, même si c'est effectivement dans une approche plus foucaldienne, on serait tenté de dire il y a plus d'idéologie, ça ne concerne pas l'idéologie. Pourquoi? Alors qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce que c'est l'idéologie? L'idéologie classiquement pour Althusser, c'était la représentation de rapport imaginaire des individus à leurs conditions d'existence, c'est-à-dire c'était quelque chose qui masquait C'était un système, ou alors, si vous prenez Marx, plus simplement, c'est un système de valeurs dominantes qui en même temps prescrit un modèle abstrait, mais qui cache quelque chose du réel. Donc l'idéologie, la présupposition de l'idéologie, c'est qu'une fois que l'idéologie sera démasquée, on pourra accéder à ce qui existe vraiment. C'est par quoi Foucault combat cette idée. Il ne dit pas qu'il n'existe pas d'idéologie, mais ce qui l'intéresse, lui, c'est le discours comme instance productive du réel. Oui, donc il n'y a pas de distinction entre... il n'y a pas une idéologie qui masque une vérité qu'il faudrait atteindre et qu'il faudrait dévoiler. Déjà, en tant que tel, les discours idéologiques sont déjà à prendre au sérieux. Alors, dans la dimension du discours qu'on a vu chez Foucault jusqu'à maintenant, oui, effectivement, ce qui l'intéresse, c'est un discours qui permet la subjectivation d'un code, comme il dit, qui est entre descriptif et prescriptif et qui est productif. Il n'empêche que il y a une limite de cette théorie foucauldienne du discours appliquée notamment au management, c'est que l'on voit là, dans les mots de Sandra Lubert, aussi le management exister comme idéologie qui doit cacher quelque chose. C'est-à-dire il y a un interdit du langage. Et il y a surtout un autre aspect dont on a peu parlé, c'est l'aspect des rituels. Et les rituels ici est symbolisé à mon avis par l'anglais et par le retour continuel, si vous voulez, de cet mot de flow, de flou. Oui, le flow. Donc il faut que tout soit flou. Il faut que l'entreprise soit fluide. Oui. Et cette entreprise doit être fluide. Pourquoi? Parce que depuis le toyotisme, depuis les années 80, en fait, l'entreprise doit vibrer en syntonie avec les marchés. Ce qui est différent du taylorisme et du fordisme, où là, en fait, il y avait quelque chose de beaucoup plus figé. C'est-à-dire, chaque personne a son poste, chaque personne est un exécutant. Là, ici, tout est une question d'adaptation permanente, de flexibilité. Oui, tout à fait. C'est surtout, on n'a plus de stocks dans les entreprises. C'est-à-dire, on a découvert que gérer les stocks, c'était une dépense énorme. Et donc, on entre dans le domaine de la lean production, comme on l'appelle, c'est-à-dire la production maigre. Et la production qui coûte peu et la production qui s'adapte continuellement, en fait, au rythme des marchés. Et donc, c'est pour ça que tout doit être fluide. C'est parce que les marchés changent continuellement et l'entreprise, ce n'est plus quelque chose, ce n'est plus un organisme qui a une marge d'avance, disons, par rapport au marché, qui est en marge, mais tout simplement, mais qui doit toujours être adapté à ces marchés. Donc, l'entreprise n'est plus une machine, on va dire, plutôt qui préexiste en fait au marché. C'est vraiment plutôt un corps qui va suivre le marché, c'est oui, ça? Oui, tout à fait. Mais plus que suivre le marché, je dirais, même c'était un peu notre thèse. Fusionner de plus en plus avec les marchés. Épouser quoi, fusionner. Il n'y a plus de. Si vous prenez aujourd'hui une plateforme comme Amazon, comme Uber, ce n'est plus. Ce sont des hybrides d'entreprises marchés. Il n'y a plus une distinction nette entre la frontière de l'entreprise et les marchés, hein, mais on a des travailleurs qui sont mis en concurrence, qui n'ont plus de contrats et qui donc sont comme des travailleurs libres, indépendants, on les appelle, sur les marchés. On a plus de gestion des stocks, on a plus de structure même de l'entreprise, c'est-à-dire on a plus de lieux, par exemple, etc. Et pour revenir un peu à la question du langage, ce que l'on voit dans les mots de Lubert, c'est aussi cette histoire de répétition. On fixe en fait certains comportements à travers une sorte de rituel incantatoire, un mantra continuel, le mantra du flou, qui doit s'installer dans la conscience et qui, encore une fois, on épouse d'abord inconsciemment et puis ça devient un style de vie. On vit dans le flou, on ne possède plus rien. Les entreprises n'ont plus de stocks, mais nous aussi, on ne possède plus rien, par exemple. On nous pousse un discours qui n'est plus un discours de la propriété, mais qui est un discours de louer, posséder temporairement certaines choses dont on se libère rapidement. On prône aussi le sans-engagement, on est en CDD, on va nous dire que l'intermittence ou l'intérim, c'est génial, il y a un sentiment de liberté, une prise de risque. Ça se retrouve aussi là-dedans? Alors, effectivement, je pense que même tout autour de ces discours de l'entreprise, de l'auto-entrepreneur, de l'entrepreneur de soi, il y a une aspiration légitime à plus de liberté. Il y a une aspiration à ne plus se faire commander, disons, par le capital, à ne plus être encadré dans une série d'actions qui nous sont prescrites, mais quelque part à définir, à se donner son propre travail, sa propre façon de travailler. Et il y a tout ça, mais en même temps, il y a aussi l'effet qu'en n'ayant plus de sécurité, en n'ayant plus de contrats en CDI, en n'ayant des contrats temporaires ou intérimaires, en fait, on finit finalement pour ne plus avoir d'horizon. C'est-à-dire que notre horizon change de jour en jour et les actions, on les ordonne pratiquement en survie dans les brefs, en fait, dans les brefs termes, sans avoir plus de projets de vie. Donc, du coup, c'est beaucoup plus difficile l'accès à la propriété, l'accès à la construction d'une famille et tous les problèmes du précariat que l'on connaît aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, Luca Paltrinieri, c'est que vous avez employé ce terme de production de soi, et c'est aussi un terme qu'emploie le philosophe André Gorz. Je vous propose d'écouter un extrait de son texte. La fourniture de services, le travail immatériel, devient la forme hégémonique du travail. Le travail matériel est envoyé à la périphérie du process de production ou est carrément externalisé. Ce travail immatériel ne repose pas principalement sur les connaissances de ses prestataires. Il repose avant tout sur des capacités expressives et coopératives qui ne peuvent s'enseigner, sur une vivacité dans la mise en œuvre des savoirs qui fait partie de la culture du quotidien. C'est là une des grandes différences entre les travailleurs des manufactures ou des industries taylorisées et ceux du post-fordisme. Les premiers ne devenaient opérationnels qu'après avoir été dépouillés des savoirs, des habiletés et des habitudes développées par la culture du quotidien et soumis à une division parcellaire du travail. Les travailleurs post-fordistes, au contraire, doivent entrer dans le process de production avec tout le bagage culturel qu'ils ont acquis par les jeux, les sports d'équipe, les luttes, les disputes, les activités musicales, théâtrales, etc. C'est dans ces activités hors travail que se sont développées leur vivacité, leur capacité d'improvisation, de coopération. C'est leur savoir vernaculaire que l'entreprise post-fordiste met au travail et exploite. En devenant la base d'une production de valeur fondée sur l'innovation, la communication et l'improvisation continuelle, le travail immatériel tend finalement à se confondre avec un travail de production de soi. Cette dernière phrase est très importante, ces derniers mots, un travail de production de soi. On le trouve dans le texte L'immatériel d'André Gorz, Connaissance, valeur et capital. Donc c'est la première partie, Le travail immatériel. C'est paru aux éditions Galilée en 2003. C'est vraiment intéressant ce texte parce qu'il a deux dimensions. D'une part, donc cette idée de production de soi, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, Luca Paltrinieri, comment le management en fait en vient avec ses discours, non pas seulement à décrire des tâches, un poste, un travail, à être idéologique, mais aussi à nous définir nous-mêmes, à engager une sorte de lifestyle, pour reprendre un anglicisme. Et puis, il y a aussi dans ce texte cette idée de bagage culturel. Il distingue bien, André Gorz, les industries taylorisées des industries post-fordistes, où là, vraiment, en fait, on retrouve cet esprit, ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Donc, oui, alors, il y a deux, trois choses importantes dans ce discours. La première, c'est que si on revient à cette idée que le travail devient de plus en plus précarisé et que donc il y a de moins en moins de contrats de long terme, qu'est-ce que c'est la ressource principale pour s'en sortir dans un marché aussi volatile, si on utilise un mot économique, c'est la production de soi, c'est-à-dire c'est acquérir soi-même des compétences qui nous permettront ensuite de nous revendre à notre patron, hein, et donc le travail lui-même est pensé comme une occasion de formation par le sujet qui devient entrepreneur de soi, forcément, non seulement, quand je parle d'entrepreneur de soi, on ne pense pas seulement en fait aux autres entrepreneurs qui ont été décrits, hein, et qui ont figure typiquement française, hein, mais qui justement ce sont les entreprises d'une seule personne, mais on devient un peu tous entrepreneurs de nous-mêmes, dans la mesure où on passe à travers plusieurs situations de travail au cours d'une vie, dans la mesure où on construit chacun un CV pour pouvoir nous exposer sur un marché. Je parle même du travail de nos chercheurs. Nos chercheurs, nous sommes tous des entrepreneurs de soi depuis longtemps. Donc, Donc il y a cette disons cette injonction à la production de soi comme personne qui en fait est toujours disponible sur les marchés du travail. Qui a des compétences, qui n'est plus en fait un individu en tant que tel, qui d'un côté en fait est une personne qui vit son quotidien familial et de l'autre est peut être salarié ou dirigeant ou patron. Oui. Les deux sont véritablement fusionnés, ce qui fait qu'en fait quand André Gortz dit un travail de production de soi, le soi dont il est question, c'est véritablement soi comme une sorte de ressource de compétences. Tout à fait, tout à fait. Et il y a tout cela a été théorisé par la théorie économique des années 60 sous le terme de capital humain. Le capital humain, qu'est-ce que c'est? C'est un capital illiquide que chacun porte sur soi, hein, qui est composé par des compétences sous lesquelles je peux investir. Donc en fait, des compétences qui sont des compétences des savoirs durs, comme on les appelle, des compétences techniques dures, mais aussi de plus en plus des compétences qu'on appelle des soft skills, c'est-à-dire des compétences faibles, des compétences molles, et qui sont des compétences... C'est quoi par exemple les soft skills, donc les compétences molles? Mais par exemple, c'est l'attitude au leadership, par exemple, c'est l'attitude à la collaboration avec les autres. L'esprit d'équipe, la loyauté, toute une série de caractéristiques, en fait, qui définissent les nouvelles travailleurs et dont les entreprises ont besoin. Et là, on arrive au point important, dans un nouvel écosystème économique qui est, disons, en gros, le système de l'économie de la connaissance, hein, de la société de la connaissance, comme on l'appelle depuis les années 2000, c'est-à-dire un système dans lequel on pense que la connaissance est directement productive, que la connaissance est une source, en fait, de bénéfices, sans passer forcément par la production matérielle d'objets. Hein? C'est pour ça que Gortz parle avec une expression qui, à mon avis, n'est pas très adaptée, d'immatériel. Alors, elle n'est pas très adaptée, pourquoi? Parce que cette société de la connaissance dans laquelle tout le monde est en fait sollicité à acquérir des savoirs et des compétences molles, comme je les appelais, cette société-là est une société qui a des effets corporels, qui a des effets matériels aussi, qui a des effets, par exemple, sur la logistique, etc. Donc l'immatériel, c'est un mot que Gortz utilise beaucoup dans les années 80-90 pour indiquer cette transformation, hein. Mais qui aujourd'hui un peu il faut réviser parce que l'on voit que cette société n'est pas moins matérielle en gros, hein, et l'on voit notamment à cause de tous les dégâts écologiques que la logistique, genre les transports des matériaux dans le monde entier, la délocalisation de la production qu'il décrit en fait a produit. Et quel type de corps social produit ce genre de management si on voit bien que économiquement en fait tout est volatile, tout est fluide, si on voit bien que nous individus nous ne sommes plus que des ressources avec des compétences dont des compétences molles, j'aime beaucoup cette expression, si on voit aussi que on n'a plus de stock, on n'a plus de patrimoine, on n'investit plus, on n'est plus dans le durable, dans le dur justement, quel type de corps social en fait propose ce qu'on appelle la culture d'entreprise qui est pas non plus un corps politique et qui n'est pas non plus le modèle de la famille qui peut évoluer. Mmh. Oui, donc avec ces transformations qu'on appelle post-fordiste ou de l'immatériel, il y a quelque chose de très important qui se passe aussi, c'est que puisque le savoir devient une source de bénéfices économiques, la communication devient immédiatement production. Ce qui explique en fait aussi l'importance de ces langages managérial de plus en plus grande dans nos vies, hein, et pas seulement à l'intérieur de la situation de travail. C'est parce que la sphère du langage ou de l'agir communicationnel, si on reprend le terme d'Habermas, coïncide de plus en plus avec la sphère de la production. Cela se manifeste, comme je le disais, à travers une sorte... C'est vrai qu'il y a quelque chose de vrai dans l'idéologie, c'est-à-dire qu'on cache la production sous la forme de l'immatériel. Hein, mais d'autre part, c'est vrai aussi que la première victime, en fait, de cette transformation a été probablement une institution que l'on ne s'attendrait pas à être la victime, mais s'attendrait plutôt à être la gagnante, c'est l'entreprise elle-même. Pourquoi? Parce que l'entreprise, d'une part, s'est financiarisée. L'entreprise, donc, comme institution qui était destinée à durer dans le temps, est devenue esclave de la demande des bénéfices des actionnaires. Et l'entreprise, elle a ouvert ses frontières sur l'extérieur, elle est de plus en plus entrée justement en syntonie avec les marchés, c'est-à-dire elle a fusionné avec les marchés. Et donc tout ce que dans les années 80 on appelait la culture d'entreprise, c'est-à-dire la construction d'une culture partagée entre les membres de l'entreprise, qui permet de concevoir l'entreprise elle-même comme un agent qui s'oppose à l'extérieur. L'extérieur, c'est la guerre du marché, alors que nous, on est ensemble, on est dans la coopération, hein, on est dans la collaboration radicale, des choses comme ça. Et cette entreprise-là, c'est devenu, en fait, dans les années 90-2000, un pur esprit, hein, et un Saint-Esprit qui n'a plus de consistance matérielle, mais qu'il fallait diffuser ensuite dans les comportements individuels. C'est pour ça qu'on passe en fait de la culture à l'esprit, c'est parce que l'esprit d'entreprise, c'est quelque chose que chacun doit intérioriser pour devenir lui-même entrepreneur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'entreprise, mais il y a un esprit d'entreprise. Exactement. Et donc, c'est quoi l'incarnation, disons, physique de cet esprit d'entreprise? C'est la start-up. Alors, la start-up, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui est fondée sur une idée, qui engage dans cette idée peu de monde, deux, trois personnes, une dizaine de personnes, hein, et qui n'a pas en fait de perspective de développement dans le futur. Une start-up n'aspire pas en fait à devenir une grande entreprise dans le CAC 40. Une start-up aspire à être vendue très vite à un gros poisson du marché, un GAFAM, mettons. Et donc, devenir entrepreneur, c'est ça, c'est-à-dire c'est aussi entrer dans l'esprit start-up au sens du court-termisme, hein, au sens de c'est un projet. Par ailleurs, il y a toute cette logique du projet aussi, hein, derrière. Un autre mantra. Les fameux chefs de projet. Le chef de projet. L'entreprise elle-même devient organisée par projet. Si vous prenez Google, en fait, ce sont des petits projets, en fait. Ce sont des équipes en projet. Des missions aussi. Des missions, hein, qui se font et qui se défendent continuellement. Donc l'idée, c'est d'éliminer toute structure stable et de créer quelque chose qui soit toujours en mouvement. Mais alors, ce qui est paradoxal, là vous avez parlé de start-up, Luca Paltrinieri, c'est qu'on parle aussi de start-up nation à propos d'Emmanuel Macron, à propos en fait de la France, et donc avec Emmanuel Macron, son président, et que on va entendre tout de suite un discours donc d'Emmanuel Macron, et on va voir que là, pour le coup, utiliser le langage managérial a quelque chose de paradoxal dans le domaine politique, puisque si le langage managérial n'installe rien de stable, comment en faire une structure stable, durable et encourageante pour la politique. Vous aurez un rôle managérial important. Oui, j'utilise bien ce mot que certains n'osent pas prononcer. Mais somme toute, vous dirigez des femmes et des hommes, des services. J'attends de vous que vous soyez des entrepreneurs de l'État. Et le mot d'entrepreneur ne se réduit pas à l'entreprise. C'est le fait de faire, d'entreprendre, d'avoir une volonté de transformer et de la conduire au concret du terrain. L'innovation, la liberté, l'audace n'est pas réservée à celles et ceux qui créer des start-up. C'est votre devoir. C'est le visage qu'il nous faut donner à l'action publique dans les prochaines années. Cette fonction d'entrepreneur de l'État, ce doit être l'ADN des préfets d'aujourd'hui. Au fond, je veux que nous sortions d'une administration de la précaution et de la reproduction pour prendre en quelque sorte la part de responsabilité et de risque qui vous revient et qui nous revient. Alors je pense que ce discours d'Emmanuel Macron du 5 septembre 2017, donc c'est un discours au préfet, a été créé tout spécialement pour cette émission, tant il coche les cases du langage managérial. On a ADN, start-up, entrepreneur, managérial directement. On voit bien comme effectivement Macron lui-même dit que le langage managérial n'a rien à voir avec l'entreprise en tant qu'institution, mais avec un esprit d'entreprise, ce qui rejoint ce que vous disiez, Luca Paltrinieri. Mais en même temps, je reviens à ma question, comment on peut utiliser le langage managérial hors de l'entreprise, dans la mesure où justement ce langage ne construit rien de solide, mais renvoie plutôt à quelque chose de liquide, de fluide et de tout le temps en mouvement? Oui, bah là, on voit un cas typique. Je pense pareil, Macron a écrit une préface, un livre qui s'appelle « L'État en mode start-up » de Yann Algan. Et donc, on a un exemple remarquable, justement, de conjonction entre une technologie politique et un langage politique, un discours politique très précis sur la transformation néolibérale, hein, qui est un acte, et puis les langages managériels. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est encore une conséquence, si vous voulez, de cette intégration, de cette coïncidence dont j'ai parlé entre la sphère de l'agir instrumental et la sphère de l'agir communicationnel, si on peut parler avec Habermas, ou autrement dit, entre la production et la communication. Pourquoi ? Parce qu'on a de plus en plus de gens du monde de la production, du monde de l'entreprise, en fait, qui aspirent à avoir un rôle politique et en concevant l'État lui-même comme une grande entreprise qu'il faut diriger et donc en faisant coïncider la fonction politique avec la fonction économique. Le premier, sans doute, enfin le cas le plus, c'est Berlusconi en Italie. C'est l'entrepreneur qui dit « Moi, regardez comment j'ai géré mes entreprises et maintenant je vais gérer l'État de la même façon. » Et puis Trump, même discours. Avec Macron, on entre dans cette idée que justement, il faut carrément fluidifier de plus en plus l'État lui-même et le rendre désormais l'État en mode start-up. En fait, la start-up n'est pas faite pour durer. L'État, c'est ce que Leibniz appelait la personne immortelle. Donc c'est quelque chose. C'est tout le paradoxe. Oui, c'est tout le paradoxe, vous voyez. Mais après, c'est ce que je voudrais dire juste par rapport à ces discours managériaux, vous savez, on peut aussi en rire. Et les rires, c'est toujours une forme de défense. Là, ce discours, imaginez-vous Macron qui fait ça devant des préfets. Imaginez aussi comment les préfets ont reçu ça. C'est quelque chose. Le ridicule, c'est quand même toujours une façon aussi de détourner un peu cette sorte d'injonction qui se présente sous forme de langage managérial. Qu'est-ce que vous voulez dire là ? C'est que en écoutant ce discours, on en rit, ça nous fait sourire parce qu'on le trouve ridicule, mais qu'on manque de cette manière-là le sérieux ou la gravité de la situation, ou plutôt le contraire. Vous êtes en train de nous dire, Luca Baltrinieri, que finalement, il faut plutôt savoir rire de ce genre de discours et que c'est juste une diffusion du langage managérial comme un autre type de langage. Oui, c'est plutôt la deuxième. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des formes de défense par rapport à ce langage managérial. Une, c'est celle de Sandra Lucbert, qui, par la mise en littérature de ce langage, arrive à faire réfléchir les gens sur ce qui s'impose en fait dans leur quotidien. Une autre façon, celle de détourner des mots, de les réutiliser, et cette façon de manière un peu ridicule. Vous voyez, moi aussi, avec mes potes, par exemple, sur les réseaux sociaux, etc., on se marre beaucoup en lisant toutes ces formules, tous ces gens, tous ces influenceurs, en fait, cette terminologie mi-bureaucratique, mi-managériale, en même temps, et je pense que les rires sont une forme de défense, c'est-à-dire sont une forme aussi de résistance qui fait en sorte que ce langage nous habite quand même un peu moins et qu'on a pris une certaine distance, une certaine ironie par rapport à cet anglicisme qui s'impose partout. Et qui, en fait, ils ont effectivement cet aspect de novlangue, c'est-à-dire cet aspect d'empêcher, ils empêchent de penser, mais rire, c'est une réouverture, en fait, à la possibilité de penser sur ces mots. Et le cinéma permet justement ça. Je vais faire un one-to-one, tu peux démarrer le codir sans moi. Ok, d'adieu. Alors voilà mon 2CV.0, 2.0. Ouais, d'accord. Venez, un premier bon bec. Oui, merci. Choupa Choups. On dit Choupa Choups. Vous voyez comment dans 10 ans? Manager. De quoi? D'une petite équipe. Qu'est-ce qui fait que ce serait vous? Parce que pour l'instant, j'avoue, j'ai un peu du mal à voir votre plus-value. Je suis prêt à me réinitialiser complètement. Je peux faire reset sans problème. Je suis prêt à opérer toutes les mises à jour nécessaires. Ah, mais vous avez la 3S, c'est l'ancien... Oh, ça fait longtemps. Vous avez l'ancien modèle. On cherche un go-between. Un go-between? C'est-à-dire qu'ici, à The Box, on est l'interface, c'est-à-dire qu'on fédère, on dispatch, on fixe des OP, des objectifs opérationnels. D'ailleurs, j'ajoute souvent OP mesurable par simple reacting process. T'as pas d'enfant en bas âge, hein? Parce qu'ici, c'est no child, question sine qua non. Ici, c'est H24, donc pas d'enfant. Ne dis pas que t'as des mômes. Non, c'est sérieux, hein. Si tu veux le job, c'est pas d'enfant. Ici, quand on a des enfants, on se tire de la boîte, c'est la philosophie de la maison. De toute façon, avec des gosses, tu tiendrais pas parce que d'accord, on s'amuse, mais on se brûle. Tu vois, bon, tu vas voir, on se bouffe le cul, on s'adore. Je te dis ça parce que c'est parti, pour moi, t'es engagé, on y va, t'es sur le bobsleigh, tu commences en OT, operating test, puis voilà, si tu réussis ta première mission, tu restes. C'est un extrait des deux Alfred. Les deux Alfred, c'est un film de Bruno Podalides avec Denis Podalides qui est sorti en juin dernier. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de productions cinématographiques, humoristiques qui permettent justement de se tenir à distance de cette langue managériale, qui permettent aussi d'une certaine manière de résister. Mais est-ce qu'on peut véritablement résister à cette langue managériale? Enfin, quelles sont les stratégies ou les moyens de défense face à cette langue qui se diffuse? Moi, je pense qu'effectivement, le management lui-même, il opère toujours en récupérant des mots qui viennent notamment, en fait, des mouvements sociaux. Par exemple, le mot d'empowerment, qui au début a été utilisé pour monter, pour signifier la montée en puissance des acteurs qui étaient des acteurs fragiles dans les champs sociaux, a été ensuite réutilisé dans les champs des théories du capital humain pour montrer la capacité de soi, en fait, de rebondir, de résilience, comme on l'appelle aujourd'hui, hein, Ben, résilience, aussi un autre mot d'ailleurs. Ah, bah, absolument, voilà. Absolument. Hein. Par ailleurs, ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est il y a tout le langage aussi de l'écologie qui se diffuse, parce que l'écologie devient un thème et qui est de plus en plus importé dans les managements. Par exemple, aujourd'hui, on parle de l'éco-leader. L'éco-leader, c'est quelqu'un qui ne guide pas, mais qui construit une écologie pour le développement de ses collaborateurs. En tout cas, je pense que il faut faire aussi l'opération inverse, c'est-à-dire il faut arriver à récupérer, en fait, ces langages codés du management pour en montrer aujourd'hui surtout l'insignifiance, hein. Il faut dire que cette culture, tous ces mots qui sont utilisés, cet acronyme, en fait, dans le lexique de la culture d'entreprise, ils avaient un sens, au sens que ils permettaient aux gens de se distinguer de l'extérieur. Et donc, c'était un langage codé qui permettait de voir qui était dedans, qui était dehors l'entreprise. Aujourd'hui, ce langage-là, on l'utilise sans savoir véritablement qu'est-ce que ça signifie. C'est-à-dire, on utilise des mots sans savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et l'opération qui consiste à les mettre en ridicule permet de montrer cette insignifiance, hein, cette montée de l'insignifiance. Alors, par exemple? Ben, par exemple, lorsque l'on parle, avec ce langage anglais, hein, de chief operator, ou lorsque l'on met le mot de manager un peu partout et que donc le jardinier devient un manager de la situation écologique du jardin, tout cela, en fait, nous fait un peu rire parce que l'on voit la pauvreté, en fait, des pensées qu'il y a derrière. Il faut inventer des néologismes aussi, hein. L'entreprise, par exemple, Copanem, qui est une association de travailleurs, utilise les mots d'entrepreneur salarié, qui est un néologisme, hein, pour montrer cette... Qui est un oxymore aussi. Un oxymore. Qui contredit, oui, en fait. Exactement. Sinon, on ne peut pas être entrepreneur et salarié, et qui donc va mettre en péril cette idée, Mais pour manifester l'exigence qu'il y a aujourd'hui des libertés dans le travail et en même temps des protections. Et donc, lorsqu'on se revendique soi-même comme entrepreneur salarié, voilà, c'est un logisme, et c'est une contradiction dans les termes, mais parce que on va montrer aussi la contradiction de l'écosystème dans lequel on vit. Et donc, nos exigences de réponse à ces contradictions, à cette injonction contradictoire. Merci beaucoup Luca Paltrinieri, c'était passionnant. De vous, on peut lire donc cet article coécrit avec Massimiliano Nicoli, Métamorphose du discours managérial de la culture à l'esprit d'entreprise. C'est dans la revue Travailler qui est parue en 2020. Et puis je signale aussi cette revue coordonnée avec Vincent Bourdeau et Alexis Cuquier, L'homme et la société, c'est le numéro 212, Normes du droit du travail en France aux éditions L'Armatan en 2021. Et enfin, L'expérience du concept, Michel Foucault, entre épistémologie et histoire aux éditions de la Sorbonne, c'était paru en 2012. Et je signale aussi, pardon, la Langue managériale, c'est un livre d'Agnès Van de Velde Rougal qui est paru aux éditions RS en 2017. Merci beaucoup. Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur. Ah oui. D'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. La ira, la ira, yeah. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend. Nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes. Ah, ah, ah, ah oui. Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges. Laïdira, laïdira, yeah. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous. Vous écoutez France Culture, Les Charlots, merci patron, il est 10h55 minutes et c'est l'heure d'écouter maintenant la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. De Vénus à la peste, quelle est la nature des choses ? L'un des plus grands livres de la philosophie, en tout cas de l'histoire de la philosophie occidentale, s'appelle, et c'est bien naturel, si j'ose dire, « De la nature des choses », en latin dans son titre originel « De natura rerum ». Oui, mais voilà, ce livre a une particularité, ce livre de Lucrèce, philosophe romain, disciple d'Épicure, le fondateur de l'atomisme grec, ce livre a une particularité, c'est un poème. C'est un très grand poème et ce n'est même pas une sorte de poème philosophique abstrait, mais vraiment un poème qui en appelle, je dirais, aux ressources profondes de la poésie, c'est-à-dire à l'émotion. Le De Natura Rerum de Lucrèce, comme on le désigne, de la nature des choses, a bien une vocation scientifique. Il reprend la thèse d'Épicure, qu'il faut connaître la nature des choses. Les choses, d'ailleurs, c'est encore plus neutre que la nature. Et il les décrit à travers le jeu entre des atomes, des petites particules. Et c'est un grand traité de vérité, de rationalisme scientifique. Pourtant, dans ce livre, il y est aussi traversé par des grandes émotions humaines, et même deux émotions un peu contradictoires. Le livre s'ouvre sur l'évocation d'une déesse de Vénus, de la déesse du plaisir, un célèbre hymne à Vénus dont je ne résiste pas à vous lire les deux premiers vers en m'inspirant de ce que j'avais appris de mon professeur de latin, Pierre Fortassier, au lycée Louis le Grand, grand résistant et grand latiniste qui nous a appris à scander les hexamètres d'actifs. Je vais m'y exercer. Aeneadum genitrix, hominum divum que voluptas alma venus, caeli subter labentia signa, et je pourrais évidemment continuer. Aeneadum genitrix, mère des fils d'aînés, hominum divum que voluptas, volupté des hommes et des dieux, alma venus, Vénus. La blanche, alme Vénus, voilà sur quoi s'ouvre le De Natura Rerum, non pas sur le jeu des atomes, mais sur la volupté, conçue comme une divinité, sur Vénus. Au fond, la nature ne peut pas être pensée seulement comme un jeu d'atomes, c'est aussi le désir, le plaisir et l'amour. Et à l'autre bout de ce grand poème, nous trouvons, et nous en sommes frappés, nous autres, en temps de pandémie, la grande description de la peste d'Athènes, la peste qui ravage les humains et qui transmet chez Lucrèce une autre émotion sur laquelle Bergson avait insisté quand il avait publié ses extraits de Lucrèce, une compassion pour la douleur humaine. Bien sûr, tout s'explique par des atomes, mais il y a aussi l'amour et la mort, il y a la douleur des humains et leur plaisir, et au fond, la nature, c'est aussi cette dualité. Et le dernier vers nous montre des humains qui se battent pour des sépultures. Il n'y a même plus assez de bûchers pour brûler les cadavres défunts de la peste. Rix antes potius, quam corpora desere rentur. Ils se battent plutôt que d'abandonner les corps. Merci Frédéric, votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon Delasselle qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Carla Michel, Adèle Vendrette, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, avec à la réalisation Nicolas Berger, avec à la prise de son aujourd'hui Nasser Moussaoui, Bernard Gabé à la lecture des textes. Pour écouter ou réécouter cette émission sur la langue du management et la culture d'entreprise, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'application Radio France. Et bien sûr, rendez-vous demain pour la suite de notre série sur le management. Et demain, ce sera une émission sur la philosophe Simone Veil et ses carnets d'usine autour de la problématique penser en travaillant. Et ce sera avec Nadia Taïbi. À demain.